Section 26 de La Bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. La Bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 26. Les carrières de Montfichet. La Roche-Boisseau et le Gris, tout en gagnant la grande cour où ils devaient trouver leurs chevaux, continuaient de s'entretenir à voix basse. « Sambleu, le Gris !» disait le baron avec une agitation fiévreuse. « Une brouille entre nous, cela n'a pas le sens commun. Vous ne pouvez pas plus vous passer de moi que je ne saurais me passer de vous. À quoi songez-vous donc de vous liguer avec mes ennemis? Le jour où ils m'auront écrasé, ils auront bon marché de vous. « Baron, je vous répète que vous m'avez trompé. J'ai presque ruiné mon père pour satisfaire à vos prodigalités. Je me suis résigné pour vous plaire aux démarches les plus humiliantes. Et voilà que vous me manquez indignement de parole quand je réclame la récompense qui m'était promise, qui m'était due. « Et quelle récompense ? » dit la Roche-Boisseau. « La main de la châtelaine de Mercoire, rien que cela. Mes têtes de fer, souvenez-vous donc de nos conventions. Dans le cas où j'aurais tué la bête, et vous venez de me prouver clair comme le jour que je ne l'ai pas tuée, je vous avais promis de vous substituer à mes droits sur la jeune demoiselle, pourvu que je fusse déjà mise en possession de l'héritage de Varinas. Or, à présent, je ne puis plus être comte de Varinas. À moins toutefois que mon cher et bien-aimé cousin, qui vient de partir au galop pour les carrières de Montfichet, n'ait le bon esprit de se casser le cou ou de se faire dévorer par la bête. « Votre cousin ? » demanda le Gris en ouvrant de grands yeux. « Que voulez-vous dire ? Je ne vous comprends pas. » La Roche-Boisseau lui apprit l'histoire de Léonce, et sans s'arrêter aux exclamations de son confident, il poursuivit. « Mes affaires semblent désespérées. Mais il me faut une revanche, et je l'aurai, de par tous les diables de l'enfer, dussé-je pour cela. Voyons, le Gris, j'aimerais mille fois mieux vous voir épouser la riche demoiselle que de la laisser à cet insolent parent. Unissez-vous franchement à moi, comme autrefois, et peut-être les choses tourneront-elles suivant vos désirs. En nous rendant sur le champ aux carrières où, dit-on, se trouve la bête en ce moment, un heureux hasard peut encore nous favoriser. Vous savez, ajouta-t-il d'un ton sombre, il arrive à la chasse des accidents si extraordinaires. Des méprises si bizarres. Au nom du ciel, baron, demanda son confident effrayé, que voulez-vous donc faire ? Poltron, imbécile ! Dit la Roche en frappant du pied. Il poursuivit bientôt. Nous agirons suivant les circonstances. Nous ne nous quitterons pas. Nous profiterons de la première occasion qui se présentera et peut-être, tenez, puisque vous l'exigez absolument, je vous promets de nouveau d'employer tous mes efforts pour vous faire épouser cette séduisante créature, à laquelle il me faut enfin renoncer pour mon propre compte. Cette promesse est-elle bien sincère, baron ? Si je la croyais, je vous en donne ma parole de gentilhomme, et si bas que je sois tombé, je n'y ai jamais manqué. Mais vous m'obéirez, n'est-ce pas ? Ajouta-t-il avec une violence à peine contenue. Vous m'obéirez, quoi que je dise et quoi que je fasse. « Cependant, baron, il faudrait savoir. Paix, et partons. Nous perdons du temps. » Le Gris n'osa pas répliquer. Il se trouvait dans la cour. Sur un mot de la Roche-Boisseau, on amena deux chevaux scellés et bridés. Le Gris ne semblait pourtant pas entièrement décidé encore à s'engager dans une entreprise, périlleuse certainement, coupable peut-être, et il hésitait à enfourcher sa monture. Comme la Roche-Boisseau, de son côté, mettait le pied à l'étrier, quelqu'un qui l'appelait depuis un moment, sans obtenir de réponse, lui toucha légèrement l'épaule. Le baron se retourna furieux et aperçut le chevalier de Magnac. Le vieil écuyer cachait sous le pan de son habit deux épées d'égale longueur. Il avait un air cavalier et délibéré qui ne lui était pas ordinaire et gardait son chapeau sur la tête. « Ah, ça, monsieur le baron » dit-il d'un petit ton impertinent. « On ne s'en va pas ainsi. Je ne suis pas devenu votre cousin, moi, depuis quelques heures, et je suis au contraire plus que jamais en droit de vous inviter à faire en ma compagnie une courte promenade jusqu'à la lisière du bois. Je sais une place où nous serons à merveille. » Le baron ne répondit pas, et demeurait, immobile, l'œil fixe, comme s'il n'eût pas su ce qu'on attendait de lui. Enfin, il fit un mouvement brusque. « Allez au diable, vieux radoteur, » dit-il. « Je n'ai pas le temps d'écouter des sottises. Nous verrons à vous contenter une autre fois. » Il voulut monter à cheval. Magnac le retint par la basque de son habit. « Je puis radoter, monsieur, » dit-il avec cette colère froide des tempéraments bilieux, « mais j'ai encore l'œil bon, et ma main ne tremble pas. Je vous invite de nouveau. Lâchez mon habit, vieux fou, lâchez mon habit, ou sinon, malgré votre âge et vos cheveux blancs. » Il leva la main, l'autre ne bougea pas. « À présent, monsieur, dit-il, vous ne pouvez plus me refuser la satisfaction qui m'est due. » Ce dernier trait parut impressionner La Roche-Boisseau. Il rêva quelques secondes. « Il est enragé, dit-il enfin. Eh bien, soit, finissons-en, aussi bien il ne saurait me retenir longtemps. Le gris, laissez là votre cheval, vous allez venir avec nous. Et où donc, mon cher baron? Où il plaira de nous conduire à monsieur de Magnac? Et vous, monsieur le chevalier, avez-vous un second? » Magnac ôta son chapeau. Monsieur de La Roche-Boisseau est bien bon, dit-il, en retrouvant subitement sa politesse pointilleuse. Je comptais choisir un gentilhomme pour second, et je pourrais encore envoyer chercher le marquis de Gaillefontaine. Mais cela nous retarderait fort. Si vous le permettez, je vais appeler le valet de Vennery Comtois, que vous voyez là-bas. Il a été soldat, et considérant que M. Legris n'est qu'un bourgeois, on pourrait se contenter de Comtois, faute de mieux. « Amenez qui diable vous voudrez, » dit le baron avec impatience. « Mais dépêchons !» Le chevalier, tout joyeux, s'empressa de prévenir le veneur, très flatté de la préférence, et sans s'inquiéter beaucoup des commentaires de la valetaille qui remplissait la cour, adversaires et témoins se mirent en marche. « Que l'on tienne les chevaux prêts, » dit le baron à ses gens en sortant du château. « Nous serons de retour dans 5 minutes. » On gagna la forêt voisine. À la première clairière, le chevalier s'arrêta. « Ne vous semble-t-il pas, monsieur le baron, demanda-t-il, que nous serons fort bien ici ?»« Parfaitement. » Aussitôt, le vieux gentilhomme jeta bas son habit et sa veste, puis il vint offrir à La Roche-Boisseau le choix entre les 2 épées qu'il avait apportées. Le baron prit la première venue, et à son tour, il commença ses préparatifs de combat. Au moment où le chevalier tomba en garde, le gris, étonné de sa prestance et de sa grâce martiale, murmurait à part lui « Hum, le soldat de Fontenoy n'a pas méchante façon, et La Roche-Boisseau, quoique duelliste raffiné, pourra trouver à qui parler. Ma foi, je ne sais trop pour lequel des deux je dois faire des vœux. Le vieux a une dent contre moi, mais La Roche-Boisseau devient fort mauvais compagnon, sans compter qu'on ne peut plus attendre grand-chose de lui. Allons, que Dieu ou le diable choisissent entre eux. Moi, je me résigne à tout. » Comme il achevait ce souhait charitable, les deux fers s'engagèrent avec un cliquetis sinistre. Nous saurons un peu plus tard le résultat de ce duel. Nous devons maintenant revenir à Léonce et à Denis, que nous avons laissés galopant dans la forêt. Les carrières de Montfichet, où le formidable loup se trouvait bloqué, étaient situées au centre de cette région montueuse et boisée qu'on appelait les fonds de la Monadière, et où Léonce avait couru de grands dangers au début de cette histoire. Mais ce souvenir ne refroidissait en rien l'ardeur de l'impétueux jeune homme. Et moins d'un quart d'heure après leur départ du château, les deux cavaliers, haletants et couverts de sueur, ainsi que leurs montures, arrivaient à l'entrée des carrières, où Gervais et quelques paysans, armés de fusils et de bâtons, faisaient bonne garde. Cette entrée était une brèche étroite, pratiquée jadis dans le rocher pour donner accès au chariot. 2 blocs de basalte la flanquaient à droite et à gauche. Par cette ouverture, l'œil plongeait dans un espace circulaire assez vaste, entouré de roches à pic, hérissé de pierres et de broussailles. Gervais et ses compagnons, toujours attentifs, tenaient en laisse 2 chiens qui grondaient par intervalles, les yeux tournés vers les carrières. La vue de Léonce et de Denis parut fort agréable à Gervais. « Je vous attendais avec impatience, messieurs, » dit-il, pendant que les cavaliers mettaient pied à terre. « Cette bête rusée s'est plusieurs fois approchée de nous, si bien que je craignais qu'elle n'essayât de forcer le passage. » D'ailleurs, le jour commence à baisser, et si elle n'est pas tuée avant la nuit, nous pouvons être sûrs que, malgré toutes nos précautions, elle nous échappera. Mais, en attendant, tu peux répondre qu'elle n'a pas vidé l'enceinte, n'est-ce pas ? Demanda Denis. Certainement. Voyez comme les chiens portent le nez au vent en tourmentant leur laisse. Le maudit animal n'est pas à plus de 50 pas d'ici. C'est bien, dit Léonce. À son tour. Denis, vous allez rester là, avec ces braves gens, et vous vous tiendrez prêt à recevoir le loup s'il tente de s'échapper. Pour moi, je vais entrer seul dans l'enceinte avec Castor. J'ai ma carabine à baïonnette et mon couteau de chasse, cela me suffira. » Le piqueur l'écoutait d'un air d'étonnement mêlé d'effroi. « Mon jeune maître me pardonnera ma hardiesse, dit-il respectueusement, mais il n'aura pas la témérité d'aller braver dans cette espèce de fosse un animal formidable réduit au désespoir. Avec votre permission, je vous accompagnerai, et peut-être à nous deux. Voilà ce que je ne saurais souffrir, Denis, répliqua Léonce avec fermeté. J'entends n'être assisté de personne dans le combat que je vais sans doute livrer. Personne ne pénétra dans la carrière, quoi qu'il arrive. Vous m'avez bien compris, n'est-ce pas ? Malheur à celui de vous qui transgresserait mes ordres. Je ne lui pardonnerai de ma vie. Dans le cas où la bête forcerait le passage, et dans ce cas seulement, vous pourrez tirer sur elle. Jusque-là, demeurez immobile et soyez sur vos gardes. Léonce parlait habituellement à ses inférieurs avec affabilité. Mais cette fois, il avait un ton sec, tranchant et résolu. Cependant, le piqueur ne se découragea pas encore. « Monsieur, dit-il avec chaleur, je suis un vieux veneur, et mon devoir est de vous avertir du danger. « Assez !» interrompit Léonce. « Ma carabine est-elle chargée ? Je l'ai chargée moi-même, tout à l'heure. 2 dés de poudre et 2 balles de fer. C'est bien. » Il s'assura que l'amorce de son arme n'était pas humide, passa l'ongle sur la pierre de la batterie, puis, après avoir tiré à demi son couteau de chasse, afin de détacher la lame du fourreau, il parut prêt à se mettre en marche. « N'oubliez pas mes recommandations, mes amis, » reprit-il, d'un ton devenu fort doux et presque gai. « Gardez bien votre poste, c'est tout ce qu'on vous demande. » Il allait franchir l'entrée de cette espèce de cirque, après avoir fait lâcher Castor, le chien de Godard, quand Denis lui dit timidement « Du moins, mon bon maître, prenez aussi le limier. Tout poltron qu'il est, il vous avertira de l'approche du loup et vous empêchera d'être surpris. » Léon s'y consentit, bien qu'il n'attendît pas grand service du limier, et précédé de ses 2 chiens, il pénétra dans l'enceinte des carrières. Il y régnait un calme profond, une immobilité de mort. Rien ne bougeait au milieu des rocs stériles et des broussailles desséchées qui couvraient le sol. De tous côtés, la montagne élevait ses parois lisses et verticales comme des murailles. On eût dit d'un champ clos où toute retraite était impossible pour le vaincu, où la mort devait inévitablement suivre la défaite. Par places, des traînées de neige à moitié fondues se détachaient sur les teintes foncées de la bruyère. Au centre du bassin, se trouvait une mare formée par les eaux pluviales. Elle était glacée, et des stries blanches rayaient sa croûte bleuâtre. Au-dessus de ce paysage désolé, le ciel brumeux, assombri encore par les approches de la nuit, étendait comme un voile lugubre. Léon s'avançait pas à pas, l'œil et l'oreille au guet, le doigt posé sur la gâchette de sa pesante carabine. Il scrutait minutieusement chaque excavation du terrain, chaque touffe de ronces. La bête, en effet, pouvait s'élancer sur lui et le mettre en pièces avant que rien n'eût signalé sa présence. Il s'arrêtait par intervalles, retenant son haleine. Ses chiens rôdaient autour de lui, mais sans donner de la voix. Le limier, surtout, paraissait inquiet. Il interrompait fréquemment sa quête et revenait vers son maître avec terreur. Alors il fallait le flatter de la main, l'encourager tout bas, pour le décider à reprendre la piste. L'autre chien, robuste et courageux, montrait moins d'hésitation. Mais son odorat obtus l'obligeait de s'en rapporter à son compagnon au nez plus subtil. Du reste, la voix était toute fraîche, et comme disent les veneurs, toute saignante. En divers endroits, la neige portait des empreintes larges et profondes qui semblaient avoir été faites peu de minutes auparavant. Cependant, la bête ne se montrait pas, et si les parois de l'enceinte n'eussent pas été presque perpendiculaires, on eût pu croire qu'elle avait réussi à franchir ses clôtures naturelles. Mais rien de pareil n'était à craindre. Il eût fallu pour cela bondir à 20 ou 30 pieds d'élévation, et le loup, si agile qu'il soit, n'a pas dans les muscles la prodigieuse élasticité des tigres, des panthères et des autres animaux féroces appartenant au genre félis. Donc, certainement la bête se trouvait dans les carrières, et d'un moment à l'autre, elle allait apparaître pour soutenir le combat, ou peut-être pour l'engager elle-même. Depuis plus de 10 minutes déjà, Léon s'errait au milieu des pierres et des halliers, quand tout à coup le limier se rabattit avec plus de terreur qu'il n'en avait montré jusque-là, et chercha un asile dans les jambes de son maître. Le doc Castor, au contraire, s'arrêta, et tendant son col vigoureux protégé par un collier à pointe de fer, poussa de sourds grondements. Tous ces signes annonçaient que le féroce animal était proche. Mais le jeune chasseur avait beau redoubler d'attention, il ne voyait rien. Enfin, pourtant, il parvint à reconnaître la position de l'ennemi. À 100 pas plus loin était la mare dont nous avons parlé, et sur le bord de la mare frémissait une grosse touffe de roseaux secs et jaunissants. Or, Léon se découvrit, à travers les tiges des herbes marécageuses, deux points fixes et brillants qui, même le jour, dardaient une flamme menaçante. On n'apercevait rien de plus, mais le chasseur en savait assez. La bête était là, se préparant sans doute à s'élancer sur lui dès qu'il serait à portée. Léon s'avait fait halte et avait appuyé lentement la crosse de sa carabine à son épaule, mais il ne tirait pas. Son cœur battait avec violence, des nuages passaient devant ses yeux, le vertige commençait à s'emparer de lui. Peut-être se souvenait-il, à cette heure, que le monstre, qui était à quelques pas seulement, avait dévoré 83 personnes et en avait blessé grièvement 25 ou 30, qu'il avait bravé les poursuites de 200 ou 300 000 chasseurs et que la France entière était en alarme à cause de lui. Heureusement, l'image belle et souriante d'une femme aimée vint faire diversion à ses lugubres pensées dans l'esprit du jeune homme. Aussitôt le sang circula plus paisiblement, le vertige se dissipa, et au bout de quelques secondes, les objets environnants avaient repris pour Léonce les proportions exactes de la réalité. Soit qu'il se trouvât trop loin, soit que son adversaire ne lui parut pas se découvrir suffisamment, il se mit à marcher, le fusil en joue. Les chiens le suivaient en grondant toujours, l'un de colère, l'autre d'épouvante. Mais cette manœuvre du jeune chasseur n'eut aucun résultat. Le loup ne bougeait pas, et l'on n'apercevait de lui que ses deux yeux fascinateurs. Enfin, Léon, s'impatientait de cette immobilité, s'arrêta de nouveau et visa précisément entre ses deux points lumineux, mais les rôles changèrent alors. Le féroce animal, se voyant découvert, prit son parti en brave. Sa tête puissante, aux oreilles dressées, son corps énorme couvert de poils fauves, sa lourde queue flottante surgirent du milieu des roseaux. Puis, de sa large poitrine écartant tous les obstacles, il chargea ses ennemis avec fureur. Léonce ne se laissa pas intimider par cette attaque inattendue. Quand la bête fut à 10 pas de lui, il l'ajusta froidement à la tête et tira. L'explosion de sa grosse carabine, répercutée par 1000 échos, produisit un bruit comparable à celui du tonnerre, mais n'empêcha pas d'entendre un rugissement sauvage. À travers la fumée de la poudre, Léonce vit la bête renversée par la violence du coup et comme frappée de mort. Déjà il ouvrait la bouche pour pousser un cri de joie et appeler ses compagnons. Il n'en eut pas le temps. La bête venait de se relever toute sanglante, mais plus redoutable que jamais. La douleur, le besoin de vengeance, avait doublé sa force et son courage. En un instant, elle fut sur le chasseur. Vainement essaya-t-il de lui opposer la pointe de sa baïonnette. La baïonnette, quoique en acier trempé, fut brisée comme du verre. La carabine elle-même fut tordue, et Léonce, culbuté brutalement, roula étourdi sur la neige. Il paraissait perdu, car il était incapable de se défendre. Mais ses fidèles serviteurs ne l'abandonnèrent pas. Le doc Castor, qui l'on s'en souvient, avait à venger sa défaite du bois du Sceau, se précipita sur la bête et la mordit avec acharnement. Le limier, lui-même, soit que la vue du sang de son ennemi l'eût ranimé, soit que le danger de son maître lui fît surmonter ses instincts timides, sauta sans hésiter à la gorge du loup. Celui-ci devait donc avant tout mettre à la raison ses nouveaux adversaires. La besogne ne fut pas longue. Un seul coup de dent suffit pour briser la colonne vertébrale du malheureux limier, tandis qu'une patte cruelle lui ouvrait le ventre et dispersait au loin ses entrailles. Le pauvre chien poussa un cri lamentable et mourut. Restait Castor, qui avait également saisi la bête à la gorge et tenait ferme. Le loup essaya de s'en débarrasser par un de ces coups de tête qui lui étaient familiers, mais le dogue, instruit sans doute par l'expérience, savait adroitement les éviter. Alors ils se culbutèrent l'un sur l'autre, se déchirant, se mordant avec une rage inexprimable. Mais la bête, malgré sa blessure, conservait un avantage qui ne pouvait tarder à devenir une victoire complète. Cette lutte affreuse avait lieu sur le corps même de Léonce. Ses piétinements continuels et peut-être l'imminence du péril rendirent au chasseur un peu de sentiment. Tout meurtri de sa chute, aveuglé par la poussière et la neige glacée qui volaient sur son visage, il se souleva sur le coude et tira son couteau de chasse. Au moment où les deux combattants se ruaient de nouveau sur lui, il ouvrit les yeux avec peine et, réunissant tout ce qui lui restait de vigueur dans un dernier effort, il enfonça le couteau jusqu'à la garde dans une masse velue qui l'étouffait. Au même instant, on s'écria près de lui « Courage, monsieur, ferme, Castor, nous voici !» Mais Léonce ne put en entendre davantage. Quelque chose comme des pointes de fer lui déchira la poitrine, puis un poids écrasant tomba sur lui, le souffle lui manqua et il perdit entièrement connaissance. Une sensation de fraîcheur et de bien-être le ranima. Autour de lui se trouvaient Denis, Gervais et quelques autres personnes qui lui donnaient des soins empressés. On avait répandu sur son visage un peu d'eau glacée, prise à la mare voisine. On avait desserré ses vêtements. Léonce recouvra instantanément ses esprits et la mémoire lui revint. « La bête ? » demanda-t-il. « Où est la bête ?»« Morte, monsieur, » répliqua le piqueur. « Bien morte, pour le coup, et c'était ma foi dur à tuer. » Et en même temps, il montra le formidable loup, tout souillé et sanglant, étendu sans vie à côté des débris palpitants du pauvre limier. Un peu plus loin, Castor, haletant et brisé, léchait tristement ses blessures. Un soupçon passa dans l'esprit de Léonce. « Denis, » reprit-il, en se soulevant par un mouvement automatique, « vous m'avez désobéi. Vous êtes venu à mon secours. C'est vous qui avez tué la bête du Gévaudan. » Le piqueur sourit. « Regardez mon fusil, mon bon monsieur, » dit-il en présentant son arme propre et encore chargée. « Véritablement, ce n'était pas l'envie qui me manquait d'envoyer une balle dans les côtes de ce gaillard. Mais vous vous teniez si bien embrassé que la chose n'était pas possible. D'ailleurs, à quoi bon perdre de la poudre ? Vous aviez donné son compte au vieux diable. Voyez-vous-même. » Et, soulevant le corps gigantesque du loup, il montra le couteau de Léonce, enfoncé tout entier dans le défaut de l'épaule. La lame était tellement engagée entre les os et les muscles qu'il eût fallu un grand effort pour la retirer. La mort avait dû être instantanée. Et les déchirures qui avaient achevé de faire perdre connaissance au chasseur étaient dues, selon toute apparence, aux dernières convulsions de la bête expirante. En acquérant cette preuve incontestable de sa victoire, Léon eut un transport d'orgueil et de joie. « Merci, mon Dieu » s'écria-t-il. « Il est donc vrai que j'ai tué la bête du Gévaudan ?» Quelques instants après, les chasseurs triomphants revenaient au château de Mercoire. Léon, tout froissé et couvert de contusions, marchait à pied, soutenu par Denis. On avait chargé sur un cheval le redoutable loup, dont la tête encore menaçante et les longues jambes aux griffes acérées pendaient de chaque côté de la selle. Puis venait Gervais, portant dans ses bras le pauvre Castor, à qui la douleur arrachait des hurlements plaintifs, bien que la vue de son ennemi mort et ballotté par le trot du cheval parut encore à certains moments réveiller sa fureur. La marche était fermée par les paysans qui laissaient éclater leur joie de voir enfin le pays délivré de son fléau. On atteignit ainsi le château, et comme l'on approchait de l'entrée principale, on rencontra une nouvelle troupe, aussi triste et silencieuse que l'autre était joyeuse et turbulente. Elle se composait de plusieurs valets qui portaient sur un brancard un corps inanimé enveloppé d'un manteau. Derrière eux venaient plusieurs personnes que les teintes de plus en plus foncées du crépuscule ne permettaient pas de reconnaître. Léonce prescrivit à ces gens de s'arrêter et de garder le silence. Quand les porteurs furent près de lui, il demanda d'une voix basse et étouffée, en désignant le corps, « Qui est là, mon Dieu ? Quel malheur avons-nous à déplorer encore ?» Il sembla que les porteurs n'eussent pas entendu cette question, ou qu'ils ne se souciassent pas d'y répondre. Ils passèrent avec leur fardeau funèbre et disparurent sous la voûte de la porte d'entrée. Léonce osait à peine renouveler sa demande, quand le son d'une voix qui lui était familière frappa son oreille. Au même instant, il se sentit doucement pressé dans les bras du prieur. « Mon cher Léonce, est-ce vous ? » demanda le moine avec émotion. « Que Dieu soit loué ! Vous, du moins, vous nous revenez sains et saufs. Et ce n'est pas là seulement, bon père, toutes les grâces que Dieu m'a faites, car il m'a donné la victoire sur le monstre qui désolait la contrée. Mais je vous en supplie, quel est le malheureux que tout à l'heure, un homme dont la vie a été coupable, qui est mort, je le crains, dans l'impénitence finale. J'ai été prévenu trop tard. Il avait déjà rendu le dernier soupir lorsque je suis arrivé sur le lieu du combat. Puisse le souverain juge lui pardonner ses fautes. Mais enfin, révérend père, vous ne m'avez pas nommé. Qu'est-il besoin de le nommer ? Mon fils, vous êtes maintenant le seul représentant de l'ancienne et noble famille de Varinas. Léonce ne pouvait se défendre d'une certaine pitié pour ce parent dont l'existence et la fin avaient été si déplorables. Pendant qu'il se livrait à ces réflexions, deux personnes passèrent près de lui, et il entendit l'une des deux qui disait à l'autre « Je n'ai encore accompli que la moitié de ma tâche, maître Legris. J'ai puni le principal offenseur de ma maîtresse, mais je ne compte pas en rester là. Vous avez 3 jours afin de pourvoir aux funérailles de votre ami. Passez ce délai, attendez-vous à être bastonné partout où je vous trouverai, comme je vous l'ai promis. » Le chevalier salua profondément et s'éloigna. Bonaventure prit le bras du jeune comte et l'entraîna dans le château. Comme ils approchaient de la cour intérieure, quelqu'un s'écria « Léonce, mon cher Léonce !» Et mademoiselle de Barjac parut sur le perron. Le jeune homme s'élança vers elle. « Christine ! » s'écria-t-il. « Dieu m'a donné la victoire, et je viens en réclamer le prix. » Pour toute réponse, mademoiselle de Barjac, éperdue, se laissa tomber dans ses bras. 2 mois après, le comte de Varinas, baron du Gévaudan, lieutenant de Louveterie pour le roi, ex-province du Gévaudan, épousait dans l'église cathédrale de Mende, haute et puissante demoiselle Christine de Barjac, comtesse de Mercoire et autres lieux. Le peuple saluait de ses acclamations le veneur intrépide qui avait délivré le pays du loup formidable, dont les ravages devaient être consignés dans l'histoire du royaume. Ce mariage était célébré par sa grandeur, monseigneur de Cambis, évêque d'Alep, assisté de sa révérence, dont Bonaventure, 34e abbé de Frontenac, le pauvre vieil abbé qui a figuré dans cette histoire étant mort depuis peu, et l'ancien prieur ayant été nommé à sa place. Sœur Magloire, dans son costume de religieuse, accompagna la mariée à l'autel et lui servit de mère. Quant au chevalier de Magnac, le malheur qu'il avait eu de tuer en duel le plus proche parent du marié l'empêchait de prendre part officiellement à la fête, bien qu'une grosse pension le mît désormais à l'abri du besoin. Mais il observait de loin sa jeune maîtresse avec une joie indicible, et il murmurait « C'est égal, je l'ai joliment fait respecter quand elle était sous ma garde. J'ai tué l'un et j'ai bastonné l'autre. Que Dieu fasse le reste. » Fin de la section 26. Fin de La Bête du Gévaudan par Élie Berthet.